Chapitre 3. L'homme des eaux. Nous avions, le capitaine, Sabine et moi, quitté nos hommes depuis 2 jours. Nous avancions à travers une contrée toujours plus morne, mais cependant d'une ténébreuse et grandiose beauté. Qu'il y eût ou non un passage, la marche devenait à chaque heure plus pénible. Heureusement, nous n'avions amené que le petit cheval de Sabine. Nos montures nous eussent été une charge plutôt qu'un secours. Vers la fin du 2e jour, la pluie tarit. Nous étions de toutes parts environnés de mares. Nous avancions durement, au long d'une arête surhaussée. « La nuit arrive, encore un effort, » dit le capitaine. La nuit arrivait en effet. Les braises s'éteignaient dans la fournaise couchante. Nous nous dirigeâmes vers ce qui nous parut être un tertre. Je ne sais pas ce qui arriva au cheval de Sabine. Il s'emballa follement, il passa comme l'éclair à la gauche du tertre. Sabine poussa un grand cri. Sa bête venait de se précipiter dans le marécage. Je ne pris pas le temps de réfléchir. Je fus en un instant auprès de la jeune fille. La terre molle m'attira à mon tour. Pendant quelques minutes, nous essayâmes de lutter. Nos mouvements nous enfoncent davantage, remarqua Sabine. C'était incontestable. Empêtrés dans des lacis de plantes, nous ne pouvions ni avancer, ni reculer, ni remonter. C'était un de ces pièges où la nature inerte semble aspirer l'être vivant, avec une lente et sûre férocité. Cependant, le capitaine n'avait pas perdu son sang-froid. Il avançait par une voie détournée, au long d'un frêle promontoire dont la pointe obliquait légèrement vers nous. Il avait déroulé quelques mètres de cordelle qu'il portait toujours sur lui. Il s'apprêtait à nous en jeter un bout. Tout notre espoir était en lui. Nous le regardions avec angoisse. Brusquement, il glissa, il trébucha, il voulut reculer. Le sol du promontoire, fait sans doute à l'endroit où il était parvenu, de quelque encroûtement végétal, s'effondra dans l'eau verte. Devreuse étendit le bras et s'accrocha au hasard, mais sa main ne rencontra qu'un appui illusoire. Sa situation était devenue identique à la nôtre. Et la nuit était venue. On ne distinguait plus que des formes vagues. Les bêtes soupiraient ou se lamentaient dans les pénombres de la vaste solitude. Les follets rôdaient sur l'étendue. Nous étions prisonniers de la vase. Chaque geste nous engloutirait davantage. Chaque minute marquerait une étape de notre affreuse agonie. La lune fuligineuse et molle vint entre des strates nuageuses. Elle se posa, immense, sur un rideau lointain de peupliers, légèrement écorné déjà par le décor. Le cheval de Sabine enfonçait jusqu'à la croupe. Elle me regardait avec un commencement de désespoir. « Robert, nous sommes perdus. » J'essayais de saisir autour de moi quelques soutiens, mais tout cédait, toute tentative à telle heure. « Eh bien, s'écria le capitaine, si rien ne vient à notre aide, et je ne vois pas ce qui pourrait venir, nous sommes en effet perdus, mes pauvres enfants. » Sa voix si dure avait une inflexion de tendresse. Elle me fit d'autant plus mal. Les yeux de Sabine se dilataient d'horreur. Elle nous regardait alternativement, et tous trois nous nous abandonnions à cette hideur où le combat est refusé, où l'élément vous dévore, enlevant à chaque minute un peu de votre force. « Mon Dieu !» soupira Sabine. La lune, chassant ses fumées, resplendit sur la lagune. Des étoiles vinrent sur le sud, solitaires, comme un petit archipel au sein d'un océan. Le vent rasa lentement le marécage, avec une douceur lourde et toxique. La boue me venait aux épaules. Une demi-heure encore et je disparaissais. Sabine étendit la main pour me retenir. « Mourons ensemble, cher Robert. Douce fille, sois bénie dans la mort. » Soudain, une mélodie confuse courut sur les algues. Je ne sais quelle musique étrangère, musique d'aucun temps, d'aucun lieu. Des intervalles inappréciables pour nos grossiers organes, et pourtant perceptible. Je regardais. La lune roulait dans une citerne claire, les raies tombaient lucides. Je vis une fine silhouette humaine, debout sur une langue de terre, espèce d'îlot allongé en esquif. Ses doigts maniaient un objet menu dont je ne discernais pas exactement la forme. Et nous vîmes une scène extraordinaire. Des salamandres géantes grimpaient sur l'îlot et se rassemblaient autour de l'homme, et des tritons, des protées, des serpents d'eau. Des chauves-souris voletaient autour de sa tête, des grèbes sautelaient sur un rythme. Il accourut encore des formes vagues, puis des rats, des poules d'eau, des chats huants. L'homme continua sa musique bizarre. Une grande douceur se dégageait de la scène, un sentiment de fraternité panthéistique que je sentis bien malgré l'horreur de notre position. Nous poussâmes un cri de détresse. L'homme se tourna vers nous et s'interrompit. Quand il eut vu notre position, il bondit de son îlot, il disparut parmi les algues. L'angoisse et l'espérance, aussi entremêlées que des lianes, nous tenaient immobiles. Tout à coup, l'homme reparut, proche, et sans une parole, il se jeta vers nous. Nous ne pûmes nous rendre compte de ses mouvements, mais je me sentis saisi et entraîné en même temps que Sabine. Quelques instants plus tard, nous pûmes marcher sur une boue moins perfide et finalement atterrir. Devreuse nous rejoignit après quelques minutes, et l'homme nous regardait d'un air tranquille. Il avait une chevelure maigre, pareille à des lichens barbus, point de poils sur le corps, ni sur le visage, et malgré cette boue il avait plongé, la peau nette, un peu reluisante, un peu huileuse même. Il était presque nu, n'ayant qu'un court vêtement de fibre au bas de la ceinture. Devreuse le remercia en divers dialectes. L'homme écouta doucement et secoua la tête. Évidemment, il ne comprenait pas. Dans la joie du sauvetage, nous lui prîmes les mains avec ardeur. Il sourit, parla confusément. Ce n'était pas une voix humaine, mais je ne sais quelle syllabation gutturale d'amphibie. Cependant, il nous voyait grelotter. Il nous fit signe de le suivre. Nous passâmes au long d'une mince chaussée naturelle, ferme et dure. Elle s'élargit, elle s'éleva, si bien que nous atteignîmes une manière de plateforme au milieu des eaux. Là, l'homme nous fit signe d'arrêter et de nouveau disparut. « Nous abandonnerait-il ? » demanda anxieusement Sabine. « N'importe, nous sommes sauvés. » Et si étrangement ? La lune était haute, presque blanche, éclatante. À perte de vue s'étendaient les marécages, le pays des eaux tristes. Je rêvais à des choses nombreuses dans une espèce d'hallucination lorsque je vis la silhouette de l'homme revenir et avec lui le cheval de Sabine. « Mon pauvre Géo !» s'exclama-t-elle avec des larmes d'attendrissement. L'homme rapportait en outre des plantes, du bois et des œufs. Il nous tendit les œufs, quelques poignées d'une noix comestible. En même temps, il tassait des brassées de bois et de tigelles sèches et nous alluma du feu. Cela fait, il sourit lentement. Puis, bondissant du haut de la plateforme, il redisparut encore sous les flots profonds en cet endroit. Nous restâmes à examiner l'endroit où il avait plongé. Nous ne vîmes rien. Ne sachant qu'imaginer, nous nous regardions avec stupeur. « Quel est le sens de ceci ? » criai-je. Devreuse répondit d'un air pensif. « C'est à coup sûr la chose la plus incroyable de mes 15 ans de voyage. Mais ce qui doit arriver arrive. Soupons. » Nous soupâmes de bon appétit. Nous séchâmes nos vêtements au feu rouge. Le soir était tiède, secourable. Nous dormîmes. Mais vers le milieu de la nuit, je m'éveillai. La bizarre musique de notre sauveur résonnait très loin sur le silencieux marécage. Le musicien était invisible. Alors il me parut être entré dans une vie neuve, une réalité plus féerique que les plus féeriques légendes. Nous nous éveillâmes à l'aurore, ayant bien dormi. « Capitaine ! » m'écriai-je. Je lui montrai nos vêtements nettoyés, parfaitement secs. « C'est notre homme de l'eau, » répartit Sabine. « Je commence à croire que c'est quelque faune bienveillant. » Il restait des noix et des œufs dont nous fîmes un bon déjeuner. Le soleil montait avec douceur, rafraîchi de légers nuages. la sombre merveille du marécage nous tint rêveurs. Des hérons passèrent, puis une bande de sarcelles. Réconfortés et bien portants, nous ne laissions pas que d'éprouver quelque inquiétude. Soudain, Sabine poussa un léger cri. « Regardez !» Quelque chose flottante avançait vers notre abri. Bientôt, nous reconnûmes une manière de radeau. Il semblait avancer seul parmi les algues, et ce mouvement vivant d'un objet inerte nous causait du trouble. Mais une tête apparut, puis un corps jaillissant de l'onde verte. Nous reconnûmes notre bizarre providence. À nos gestes de bienvenue, l'homme des eaux répondit avec une non équivoque cordialité. Son apparence nous étonna davantage encore que dans le clair de lune. Il avait la peau verte comme les jeunes pousses d'herbe, les lèvres violettes, les yeux étrangement arrondis, presque sans sclérotique, avec l'iris couleur d'escarboucle, la prunelle creuse et très grande. Avec cela une grâce particulière, une grande fraîcheur de jeunesse. Je l'examinai longuement, et surtout ses yeux singuliers, dont je n'avais aperçu l'analogue chez aucune créature humaine. Il nous fit signe d'entrer dans le radeau, après avoir attaché Géo à l'arrière. Nous obéîmes, non sans une légère méfiance, qui s'accentua quand nous le vîmes redisparaître sous l'eau et que le radeau se remit en marche de la façon singulière dont il était venu. Sous l'eau épaisse, fangeuse, encombrée de végétation fiévreuse, nous pouvions entrevoir notre conducteur, et pendant 20 minutes nous voguâmes sans qu'il eût une seule fois émergé. Nous allions d'une bonne vitesse. Notre abri de la nuit dernière était loin. Le paysage commençait à changer, l'eau était plus fraîche, nous frôlâmes de petites îles délicieuses. La tête de l'homme des eaux reparut. Il nous montra le sud et replongea. Un air plus pur vint dans la brise. Bientôt le marécage se rétrécit, nous franchîmes une espèce de détroit peu profond. Puis nous nous trouvâmes dans des eaux nouvelles, des eaux de lac, belles, fraîches, où courait une atmosphère agile. Chapitre 4. Le lac nymphé. Le lac, tout semé d'îles, enchanté par de grands nymphéas pâles dans leurs anses plantées d'une végétation infinie de fleurs, d'herbes, de buissons et de grands arbres, le lac s'allongeait à des lieues. Nous nous dirigeons vers une des îles. Notre défiance était partie, comme était parti l'air lourd et somnolent, l'air morbide du marécage. Nous respirions à plein poumon la santé, à pleine âme l'espérance et la poésie lacustre. Le radeau s'arrêta à la pointe d'un promontoire. L'homme des eaux sortit et nous fit signe de le suivre. Et nous nous trouvâmes devant le plus extraordinaire spectacle. Sur une berge de l'île, une trentaine d'êtres humains étaient réunis, vieux et jeunes, hommes et femmes, jeunes filles, enfants. Tous avaient le teint vert, la peau lisse, les yeux d'escarboucle aux grandes prunelles aplanies, les cheveux pareils à des lichens barbus, les lèvres violettes. À notre vue, les enfants accoururent, et les adolescents, les adolescentes, un grand vieillard. Ils se pressaient autour de nous, avec des exclamations de batraciens. Il montrait une grande vivacité rieuse. Tandis que nous nous tenions là, d'autres hommes des eaux surgirent du lac et vinrent sur la berge. Bientôt nous nous trouvâmes entourés de cette population aquatique, non seulement bien humaine, mais plus proche, comme très généraux, de la race blanche que des autres races terrestres. Leur couleur verte et la mouillure huileuse de la peau n'étaient pas même désagréables à contempler. Chez les jeunes, c'était un joli vert pâle, léger comme celui des végétations claires du printemps. Chez les vieux, c'était souvent le vert de velours des mousses ou des feuilles de lotus. Quelques jeunes filles présentaient une sveltesse de corps, un effilement des extrémités, une finesse de traits qui les rendait véritablement séduisantes. Je tenterais en vain de dire notre émerveillement. Ce que nous ressentîmes ne peut être pressenti que par ces rêves où l'âme entrevoit la jeunesse du monde, les temps divins des genèses. Pour le capitaine et moi, il s'y joignait un orgueil de savant. Quelle découverte comparable à celle-ci! N'était-ce pas réalisé, et sans l'appareil mythique des ancêtres, sans les monstruosités de l'homme bête ou de l'homme poisson, une des plus attrayantes traditions de tous les peuples? Une fois de plus, ne vérifions-nous pas que les légendes ont constamment une origine de vérité? De même que le gorille, l'orang-outan et le chimpanzé avaient justifié la fiction des faunes et des satyres, les relations de Stésias sur les Calistriens, le passage du périple d'Anon sur les hommes velus du golfe de la Corne du Sud, de même ne voyions-nous pas se réaliser l'immense cycle légendaire des hommes des eaux? Encore notre découverte était-elle plus passionnante, les hommes que nous avions sous les yeux étant de vrais hommes et non des anthropoïdes. Le premier étonnement passé, il ne demeura en moi qu'une espèce d'ivresse mystique que je voyais partagée par Sabine et par Devreuse. Notre sauveur nous entraîna vers un bosquet de frênes. Nous y trouvâmes un abri. Des oiseaux aquatiques rôdaient autour, canards, cygnes, poules d'eau, évidemment domestiquées. On nous apporta des œufs frais, une perche rôtie. Après le repas, nous retournâmes sur la berge. Le temps était tiède. Nous suivîmes toute l'après-midi les allées et venues des hommes des eaux. Ils filaient comme de grands batraciens, plongeaient, disparaissaient. Puis une tête émergeait, un corps bondissait sur l'île. Ému du bonheur de leur double vie, je continuais à les examiner avec une curiosité dévorante, tâchant de découvrir quelque organe d'adaptation qui leur permit de séjourner si longtemps sous l'eau. Mais sauf une grande capacité thoracique, je ne trouvais aucun indice qui pût m'éclairer sur ce point. Cet après-midi, nous ne demeurâmes jamais seuls. Un groupe constant nous entourait, s'exerçant à nous adresser la parole, nous témoignant une innocente bienveillance. Malgré la séduction et la merveille de ces êtres étranges, nous nous proposions de partir dès le lendemain, comptant d'ailleurs revenir au plus vite, après avoir pris des dispositions avec nos hommes. Le capitaine, devant l'intérêt supérieur de la découverte, renonçait à son fameux passage vers le sud-ouest. Le sort modifia nos projets. Dans la nuit, je fus réveillée par Devreuse. « Sabine est malade !» Je me levai en sursaut. À la pâle clarté d'une torche de frêne, je vis l'aimé qui s'agitait dans la fièvre. Saisi, je l'examinai, je l'auscultai. Je me rassurais à mesure. « Est-ce grave ?» demanda le père. « Quelques jours de tranquillité absolue la remettront. » « Combien de jours ?»« 10 jours. »« C'est le moins ?»« Le moins. » Il fit une moue d'impuissance. Il me regarda dans la pénombre. « Robert, je puis vous confier votre fiancé. Il n'est pas possible que je n'aille pas m'entendre avec les hommes pour qu'ils prolongent leur halte pendant une couple de mois. Je serai de retour ici à la fin de la semaine. » Il parlait avec agitation, allant de ci, de là. D'ailleurs, si les semaines que je compte passer parmi ces êtres extraordinaires ne suffisaient pas, il est infaillible que nous organisions un nouveau voyage. Nous avons le temps. Je démissionnerai s'il le faut, de manière à disposer de plusieurs années. Raison de plus pour que je n'abandonne pas mes hommes. Mais, répliquai-je, c'est à moi de les aller prévenir. Non, vos soins sont indispensables à Sabine. Moi, je ne lui serai pas plus de secours qu'une souche. Il me mit les mains sur les épaules. « N'est-ce pas, Robert ?»« Je vous obéirai, » dis-je. Sabine, quoiqu'elle eût un peu de délire, nous avait très bien compris. Elle se souleva sur le coude. « Je serai assez forte pour te suivre, père. »« Petite fille, » répliqua Devreuse avec autorité, « obéis au médecin. Avant 6 jours, je serai revenue et j'aurai accompli mon devoir. Est-ce toi qui prétendrais m'en empêcher ?» Sabine ne répliqua rien, subjuguée. Nous demeurâmes quelque temps taciturnes. La fièvre recommença d'agiter la jeune fille, puis elle tomba dans un demi-sommeil. Je l'épiais à la pauvre lueur de notre torche. Des pressentiments indéfinissables passaient. La voix du capitaine vint me tirer de ma rêverie. « Vous êtes bien sûr que ce n'est pas dangereux ? » En médecine, on n'est jamais sûr. Mais autant qu'on peut l'être. Autant que je puis en juger, Mademoiselle Sabine sera rétablie dans la quinzaine. Je partirai donc tantôt. Je sentis bien que sa résolution était prise. Je n'essayais plus de le dissuader. Il partit au matin comme il l'avait annoncé. Le mal était encore moins grave que je ne l'avais imaginé. Au bout de 3 jours, Sabine était en convalescence et pouvait se lever pendant quelques heures. Le temps restait charmant. Une mouvante beauté s'épandait sur l'île et le lac. Nos hôtes lacustres étaient pleins de bonne volonté, de gentillesse, de sympathie. La semaine passa. La jeune fille était presque entièrement rétablie, mais une grande inquiétude naquit. Le capitaine ne revenait pas. Une après-midi, assis sur la berge, je consolais Sabine de mon mieux sans parvenir à calmer ses inquiétudes. « J'ai peur, » répétait-elle. Je ne savais plus que lui dire, lorsque nous vîmes une ombre s'allonger près de nous. En me retournant, je vis que c'était celui des hommes des eaux qui nous avait sauvés et avec qui nous avions des relations plus particulièrement amicales. Il sourit, nous montra une grande hirondelle cendrée, spéciale à ces régions et très familière. Quand il fut proche, il me tendit l'oiseau. « Qu'est-ce ? » demanda Sabine. Je m'avisai bientôt d'un petit tuyau de plumes fixé sous le ventre pâle et que je détachai. Il contenait un fin fragment de papier pelure. « Une lettre de votre père. » Il n'y avait que ces mots. « Arrivé, port. Jambes démises dans une chute, rien de grave. Mais je suis retardé. N'ayez aucune inquiétude et surtout attendez-moi. Ne quittez pas l'île. » Sabine éclata en larmes. Pour moi, je m'étonnais que le capitaine eût songé à emporter ce petit messager. Un sourire de l'homme des eaux me fit soupçonner que l'idée ne venait pas de Devreuse. Ma compagne continuait à se désoler. « Sabine, chuchotai-je avec douceur, ce n'est pas dangereux, une jambe démise. Il n'y paraîtra plus dans quelques semaines. Vous en êtes sûre ? Absolument. » L'homme des eaux avait disparu. Sabine, morne, ne pleurait plus. Il régnait un vaste silence. Je passai mon bras autour du col gracile. La tête blonde reposait sur mes bras. Mes yeux se réfléchissaient dans les yeux de lumière. Hélas, à travers les vicissitudes, jamais je n'avais été plus heureux. Elle était faible, lasse. Elle ne demandait que de croire. Le ciel pur, les ombres tremblantes, l'enveloppaient de divinité. Ô puissance mystérieuse qui a créé l'amour, vainqueur de la mort.